Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm lacing up my shoe, but I don't wanna run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. I never liked it fast. With you it's got to go. With me it's got to last. It's not because I'm old. It's not because I'm dead. I always liked it slow. That's what my mama said. Your moves are swift, all your turns are tight. Let me catch my breath. I thought we had all night. I like to take my time. I like to linger as it flies. A weekend on your lips, a lifetime in your eyes. The last is not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm slowing down the tune. I never loved it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. So baby, let me go. You're wanted back in town. In case they wanna know, I'm just trying to slow it down. ...2014 yılı Sony Müzik'ten çıkmış Leonard Cohen Popüler Problem albümünden Slow ile Zaman Tüneli yine tam zamanda başladı. Hiç hız kesmeden Celine Dion'la devam ediyorum. Sanatçının 1999 A Paris Live albümünden J'attendais. Ha, bu arada bu haftanın konsepti Paris, şimdiden hatırlatayım. J'écoutais longtemps collé loin des fontaines. J'écoutais le vent chanter infiniment. Vague de quiétude et de paix d'aussi loin que je me souvienne. L'enfance est un immense océan. Et je rêvais longues années, longue indolence, où rien ne se passe, mais où rien ne s'oublie. j'allais sereine sans connaître le moindre feu d'une absence. Ce n'est qu'en te croisant que j'ai su, que j'ai compris. Son iki haftadır bana bir şeyhler oluyor. Durmadan hastalanıp yataklara düşüyorum. Sanki bir gözüm yukarılara bakar oldu. Şayet şimdilerde yaşınız, boş verin tarihleri, şunu şöyle söyleyeyim. Şayet cebinizde Büyükşehir Belediyesi'nin indirimli kartını taşıyorsanız, ancak o zaman anlarsınız gelecek olan konuşmanın anlamını. Ben yine de bu programı dinlediğini farz ettiğim gençler için küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bizim dönemimizin gençliğinin elinde şimdiki gibi de teknolojik kolaylıklar yoktu. Kız arkadaşımızı telefonla arama gibi bir şey ancak rüyalarımıza gerçekleşebilecek bir mucizeydi. Geriye de çok az şey kalıyordu. Ya mektup yazmak ki ucunu yakarken tamamını kül etmek gibi bir risk benim gibi bir sakar için her zaman mevcuttu. Ya da atalarımızın yaptığı gibi dumanla haberleşmek. Ki o dönemlerde bile İstanbul'un havası kışın şimdiki gibi kirli olduğundan duman da çare değildi. O dönemde telefonlar cebe sığmayacak kadar büyük, arayanı göstermeyecek kadar da işlevsizdi. Hatta ben bizzat bundan 40 yıl kadar önce telefon için yazılmıştım. Hala da sıram gelmedi. Ancak size anlatmak istediğim şey bu değil. Şayet telefonla şehirler arası yazdırdıysanız, o gün dışarı çıkmadan telefon başında saatleriniz geçecek demektir. Bu arada karşı tarafta telefonu açacak olan zat her zaman sevginiz olmayabilir. Şaka bir yana, bazen telefona teknik olarak sevdiğinizin babası ancak can düşmanınızla çıkabilirdi. Kısacası benim dönemde telefon biraz şans işiydi. Her şey düzgün gitti diyelim, sevdiğiniz karşınızda, ancak bu sefer de hiç hesaplamanız başka bir faktör hayatınızı zehir etme çabası içinde tüm heyecanlı anların içine sıçmak için de hazır bulunurdu. O zamanki telefonlarda sizleri bir yerlerden bir yerlere bağlayan bir santral operatörü de mevcut olup, sanırsam iki görevinin ilki sizin tüm duygusallığınızı bitirmek, ötekisi ise her 3 dakikada bir araya girerek kız tarafı gözcüsü gibi davranmaktı. Tabi de telgraf gibi mucizevi bir sistem vardı ki gönderdiğinizin evde kimin eline geçeceği belli olmadığından dolayı zaman zaman saatli bomba etkisi de yapabilirdi. Tabi telefonun ucundaki notu alan kadının sizi doğru anladığını farz edersek ki kaç kez hamamın yanı ibaresi telefonda nasıl bir evrim geçiriyorsa şayet galiz bir küfür haline gelebiliyordu. Telgrafta eskaza Yargıtay üyesi babanın eline geçerse o zaman kaç kaçabildiğin kadar. Hatta yurt dışı bile olabilir. Bu durumlar için en ideal yer Paris'tir, aklınızda bulunsun. Şimdi ben ve benim gibilerin döneminden bir parça. Yves Montand ve Telgraf İdaresi seslendiriyor Le Telegram. Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît. Oui, pour la France. Quel numéro est-ce ? Odéon 2745. 45. Adressé à ? Mademoiselle Colette Mercier. Colette Mercier. Marcel Eugène Raoul. Célestin Irma Eugène Raoul. Oui. Adresse ? 23 Square Lamartine, Besançon. Département ? Le Doubs, je crois. Besançon Doubs. Eh oui, c'est le Doubs. Le texte ? Mon chéri. Comment ? Mon chéri. Mon chéri ou ma chérie ? Non, non, non, mon chéri. Mon chéri. Comme une enquête de lettres, alors ? Oui, si vous voulez. Mon chéri. Mon chéri, deux fois ? Non, mademoiselle, une fois. Ensuite ? J'entends le vent, je t'aime. J'entends le vent, je t'aime. Oui, oui. La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est... Attendez, attendez, attendez. Depuis que tu es parti, mais la... La quoi ? La statue. Comme une statue ? Eh oui, comme une statue. La statue est toujours à la même place, c'est ça ? C'est ça. Eugène Su me regarde, je t'aime. Eugène, comme le prénom ? Comme le prénom. Ensuite. Su. Comment ? Su. Eugène, Su. Éplé. S comme Suzanne, U comme... Comme Ursule. Oui, et E comme Eugène. Eugène, Su. Su. Et oui, mademoiselle, Eugène, Su. Ensuite. Me regarde, je t'aime. Je t'aime. Je pense à toi. Je pense à toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Alors, trois fois je t'aime. Oui. Paul. C'est la signature ? C'est la signature. Je vous relis. Vous êtes Odéon 2745, adressé à Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul, Célestin Irma Eugène Raoul. 23 Square Lamartine, Besançon 12. Mon chéri, j'entends le vent, je t'aime. La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place. Eugène Su me regarde. Je t'aime, je pense à toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, signé Paul. Numéro 2232. Hazır laf Paris'ten açılmışken bu şehirle ilgili anılarım da var. Şimdi hepimizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri İngilizlere karşı bağımsızlık savaşını kazanınca, tabii ben bu kadarına yetişmedim, sadece tarih kitaplarından biliyorum. Fransızlar İngilizlerin bu mağlubiyetinden dolayı büyük bir zevk alarak hani şu meşhur özgürlük anıtını Amerikalılara hediye ederler. Küçük bir prototipini de Paris'e Senler'in yanına dikerler. Küçük dediğimi de bakmayın, en az 10 metre falan boyunda. Tabii ben Amerika'daki heykeli biliyorum da Paris'tekinden haberim yok. Arkadaşım Mehmet Örazan'la birlikte Brüksel'den yola çıktık. Paris'teki Büyükelçiliğe gideceğiz. Arabayı Mehmet kullanıyor. Ben de kıvrılmış uyuyorum. Birden Mehmet'in sesiyle uyandım. Uyku sersemi karşımda özgürlük heykelini görünce ulan fazla gitmişiz dön geri diye bağırmışım. Senlerce bende kafa buldular. Neyse, sırada Zaz'ın 2014 yılında çıkarttığı Zaz Paris albümünden Zaz ve Charles Aznavour'un birlikte seslendirdikleri Jean Paris au Mois de Mai ile devam edeceğiz. J'aime Paris au mois de mai Quand les bourgeons renaissent Qu'une nouvelle jeunesse S'empare de la vieille cité Qui se met à rayonner J'aime Paris au mois de mai Quand l'hiver le délaisse Que le soleil caresse Ses vieux toits à peine éveillés J'aime sentir sur les places J'aime dans les rues où je passe J'aime ce parfum de muguet que chasse Le vent qui passe Il me plaît à me promener Par les rues Qui se faufile à travers toute la ville. J'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Lorsque le jour s'élève, les rues sortant du rêve. Après un sommeil très léger Coquettes se refont une beauté J'aime Paris au mois de mai Quand soudain tout s'anime Par un monde anonyme Heureux de voir le soleil briller J'aime quand le vent m'apporte Des bruits de toutes sortes oui. Et les beaux taquets De porte en porte Il me plaît à me promener Dans les rues qui fourmillent En souriant aux filles J'aime, oui j'aime Paris Au mois de mai La scène qui l'arrose Mille petites choses Que je ne pourrais expliquer J'aime quand la nuit s'éclaire Étant la paix sur terre Et que la vie soudain s'éclaire De millions de lumières Il me plaît à me promener En contemplant Les vitrines, la nuit qui me fascine J'aime Paris Oui J'aime Paris au mois de mai Yeni ile eskinin birbiriyle harmanlandığı Sokaklarında yürürken içinizdeki dans etme dürtüsünü zar zor zapt ettiğiniz, her sokağında yeni bir güzellikle karşılaşabileceğiniz bir şehir Paris. Şimdi bir tarafta yılların sesi kaldırım serçesi Edith Piaf'ın muhteşem yorumu, öte yandan çok genç bir yetenek olan Zaz'ın yorumu. Her ikisini elimden geldiğince mixledim, değişik bir şey çıktı. Buyurun bakalım deneysel müzik adına Sous le soleil de Paris, Edith Piaf ve Zaz yorumluyor. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, on chantait l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rumer sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris pour un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret. Depuis 20 siècles, il est épris d'un tri de Saint-Louis. Ah, ah, ah, sırada Jacques Brel var. Benim gençliğimin Paris'ini anlatıyor. Daha Louvre Müzesi'nin önünde o kazulet camdan piramidi koymadıkları dönemlere ait. Evet, Jacques Brel ve Le Prénom de Paris. Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt, et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit, et c'est Paris bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui, et c'est Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard, et c'est Paris miroir. Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons, et c'est Paris bonsoir. Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non, et c'est Paris ce soir. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde, et c'est Paris nous deux. un regard qui reçoit la tendresse du monde et c'est Paris tes yeux. Ce serment que je pleure plutôt que ne le dis, c'est Paris si tu veux. Et savoir que demain sera comme aujourd'hui, c'est Paris merveilleux. Mais la fin du voyage, la fin de la chanson, et c'est Paris tout gris. Dernier jour, dernière heure, première larme aussi, et c'est Paris la pluie. Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure, et c'est Paris l'ennui. La gare où s'accomplit la dernière déchirure, c'est Paris fini. Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis, et c'est Paris chagrin. Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui, et c'est Paris demain. Des villes et des villages, les roues tremblent de chance, c'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là et tout qui recommence, et c'est Paris, je reviens. Sonra ne oldu? Ne mi oldu? Yıllarca Afrika'yı sömüren koskoca bir ülke olan Fransa, bu sefer de Afrikalı göçmen istilasına uğradı. Cebindeki kimliklerde Fransız vatandaşı olduğu yazan Mombasa doğumlu binlerce seyyar saat satıcısı bir anda ülkeyi kaplayıverdi. Tabii Paris de bundan bayağı etkilendi. Aynen şu an bizim de başımıza geldiği gibi. İşte bu durumu bu sefer Rich Cohen'in sesinden dinleyeceğiz. A Paris. Sırada Leo Ferre var. Seslendireceği parça Le Flamenco de Paris. Tu ne m'as pas dit que les guitares de l'exil sonnaient parfois comme un clairon. Toi, mon ami l'Espagnol de la rue de Madrid, rencontré l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Je ne t'ai pas dit que les guitares de Paris pourraient apprendre ta chanson. Oh, mon ami l'Espagnol de la rue de Madrid rencontrait l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Et puis tu es parti dans les rues de Paris m'a rien dit. Paciencia. Dedim ya, Paris denilince akan sular durur. Caddeleri bir başkadır. Şimdi sırada adı ve soyadı sanırım sahne adı Amerikalı olan ancak aslen Fransız Joe Dassin'den gelecek. Bize Champs-Élysées'yi anlatacak. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées. Yine bir Fransız sanatçı Camille var sırada. Seslendireceği parçanın adı tabii ki Paris. Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. Décidé, je me barre. Fini le ciel gris, le matin morose. On est qu'à Toulouse, les briques sont roses. Là-bas, Paris, les briques sont roses. Paris, Paris, Paris, que je te quitte. Bouche de métro, les bateaux mouchés, la couleur de l'eau, c'est fini, Paris, je les connais trop. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit, on dit que ces vies s'éveillent à minuit. Là-bas, Paris, je te quitte, que je te plaque sur les trottoirs sales. Paris, Paris, Paris, que je te quitte. Dinleyeceğimiz sanatçı bir diva, Ella Fitzgerald. Sanatçı April in Paris'i seslendirecek, ona bu parçada Louis Armstrong trompeti ve sesiyle eşlik ediyor. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to in Paris? Chestnut blossoms, holiday tables under the trees. Babe, April in Paris, this is the feeling no one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Never knew my heart could sing, never miss a warm embrace.

une étincelle évanouie. Cet enfant passe, je suis passé. Il suit un peu la trace que j'ai laissée. Mais pas toujours encore sur le bassin. Si les années sont mortes, des souvenirs se portent bien. Un jour de plus, loin de toi. Tu me disais que tu m'aimais, je te croyais, tu me mentais. C'était trop beau pour être bien. Je suis partie chercher plus loin. Je te disais que je t'aimais et j'y croyais. Et c'était vrai, tu étais tout, tout est fini, tu es parti, tu es partout. Zaz bugün bir kez daha sahne alacak Jean Paris. Düette kendisine Niki Yanoski eşlik ediyor. Aklınızda olsun, Paris tek başına gidilecek bir şehir değil. Sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris every moment. Parce qu'ici vit mon amour. Paris toute la vie. Söz Paris'ten açılmışsa şayet Quasimodo'yu pas geçmemek gerekiyor. Bedensel engeline rağmen duyduğu muhteşem aşkı ile bizleri büyüleyen eseri atlamamak gerekir. Hele Quasimodo'yu seslendiren Garou ise. Neyse, bu kadar reklam yeter. Notre Dame de Paris, Garou söylüyor, Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Ô Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma Dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle sous peine d'être changé en statue de sel? Ô fleur de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour. Je posais mes yeux sur sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Esmeralda. Sıra geldi kapanış parçasına. Bu haftanın kapanış parçasının konusu Fransızların medai iftarı, bir zamanların en güzel kadını, evet bir efsane için yazılmış bir parçayı dinleyeceğiz. Huzurlarınızı Dario Moreno'nun seslendirdiği Daha sonraki yıllarda ise remixlenerek disco parçası haline gelen Brigitte Bardot. Sizi Brigitte Bardot ile baş başa bırakırken teknik masada Suat Gülbinat ve ben mikrofon başında Nihat Şarda, parmaklarımızın ucuna basa basa programdan tüyerken bir sakatlık ya da hastalık filan olmazsa haftaya buluşuncaya değin hoşça kalın diyoruz efendim. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şarda.